puisque j'interviewe, j'ai au moins le privilège de poser mes propres questions au départ. J'en ai juste une. Un, deux, oui. Le phénomène arémanien, est-ce que c'est un phénomène uniquement planétaire ou s'il y a une correspondance cosmique? Je te permets de douter. Merci. Le corps physique a sa pulsation spécifique originant du cœur. Les autres corps ont-ils un battement spécifique? Oui. Est-ce qu'il est localisable? Oui. Pourrais-tu préciser? Oui. Pas plus que ça, là. Oh, je peux préciser beaucoup. Alors, j'attends. Bon. T'es bien patient. Le battement lui-même, je ne veux pas trop parler du genre de battement parce qu'il y a des individus qui vont s'illusionner, qui vont s'imaginer rapidement les percevoir. Mais c'est bien évident que le rythme vital a un propre battement qui détermine l'écoulement de son temps dans la création. Le corps physique a aussi un battement. Plus le cœur a un battement régulier rapide, plus l'individu chemine vers un vieillissement rapide. Évidemment, je parle d'un battement régulier rapide. Je ne parle pas d'une personne qui a une accélération cardiaque parce qu'elle est nerveuse ou une personne qui fait du conditionnement physique. Les hindous, à un moment donné, ont amené le phénomène que l'être humain avait un certain nombre de battements de cœur de prédéterminés au niveau de sa vie. Plus tu t'arrangeais pour pratiquer du yoga qui ralentissait le rythme cardiaque, plus tu vivais longtemps. C'est intéressant, mais ça voulait dire qu'il ne fallait plus jamais courir. Ben, si tu cours, ton cœur accélère. Fait, chaque fois que tu te tiens en forme, tu meurs plus vite. Non, la chronométrie du temps physique est reliée au battement de cœur. Il n'y a pas de nombre qui peut déterminer deux battements de cœur. Si tu accélères ton battement de cœur, ça ne change rien. On parle d'un chronomètre. C'est comme quand tu avances ta montre plus vite, là, tu n'avances pas plus vite. Au niveau vital, il y a aussi un battement, un rythme vital qui peut être perceptible au niveau des phases yéniennes. Il est normalement équivalent, disons, on fait une moyenne, d'approximativement 12 heures planétaire, en temps standard rythmé par le battement cardiaque. Chez certains individus, il est plus rapide, chez d'autres, il est plus lent. Au niveau astral, on a aussi quelque chose, un battement, qui peut aussi être recherché puis être déterminé. Il est beaucoup plus lent. Mais je ne veux pas trop aborder ce sujet pour l'instant parce que les personnes qui peuvent essayer d'aligner leur vie à partir de ces battements-là, ce qui serait une farce. Et mentalement, eh bien là, c'est très, très long à chaque pulsation. Supramentalement, c'est extrêmement long. Très, très, très, très long. Mentalement, le battement, il est de la durée de la vie d'une étoile. Alors, si notre soleil meurt, on vient d'accomplir un battement. Et lorsqu'il se recréera, ben, on sera dans la phase, disons, de retour du battement. Il va vivre, il va mourir, et on aura un deuxième battement. Or, le temps s'étire. Et au niveau des galaxies, ben, c'est très intéressant. Voilà. Tu dis que pour te respecter, tu es prêt à ce que certains humains périssent. Que veux-tu dire par là? Pour me respecter, je suis prêt à faire en sorte que ceux qui ont besoin de mon travail se démerdent. Alors, je donne un exemple peut-être plus facile à comprendre. À un moment donné, le centre de l'universalité manquait de fonds. Et on était en 84, 85, 84. Et puis moi, j'en avais par-dessus la tête. La seule source d'entrée financière, c'était moi. Alors, apparemment que le centre de l'universalité avait une raison intelligente d'être. Fait que je leur ai dit aux zigotos en haut, bien, c'est ça, qu'il y a une raison intelligente d'être, parfait. Moi, je vais en Floride deux semaines, en attendant des merdes. Alors, je me respectais suffisamment que j'étais presque le centre ferme. Est-ce que le centre fermé? Non, les zigotos, ils sont des niaisins. Alors, tout mettre continuellement en œuvre pour préserver l'extérieur au détriment de toi, eh bien, c'est intelligent que toi, tu sois là, eh bien, sois là, puis les autres, qui leur arrive, ce qui leur arrivera. Puis si c'est intelligent qu'il leur arrive à rien, bien que le reste du cosmos se déniaise un peu. Pas toujours au même à tout faire. Alors, si je suis prêt à ce que toi, par exemple, tu meurs, tu me poses une question, puis moi, je sens que cette question-là, elle est pour moi. Mais si je te la réponds, je vais te traumatiser à jamais. Eh bien, je vais maintenant répondre. Et puis toi, eh bien, les intelligences cosmiques, ils n'ont rien qu'à s'occuper de toi. J'aurais fait ma part. C'est ce que je veux dire. Donc, normalement, il n'y a personne qui devrait en claquer. Mais ça devrait obliger l'énergie supramentale à faire un peu plus sa part sur la planète. Ce qui veut dire que l'ensemble du discours que tu tiens est ajusté à la capacité des consciences de ceux qui t'écoutent. Exactement. Ce qui est un problème pour moi. Tandis qu'à un moment donné, comme tout à l'heure, tu me posais des questions intéressantes. Et on a jasé. C'est la première fois que tu m'interviews, mais c'est sans doute pas la dernière. Ça va dépendre de toi. Mais c'est évident qu'on peut aller chercher des choses qui sont très loin. Et puis les ajusteurs de pensée, bien, ils ont un qui a se déniaisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis ils ont un qui a vous fait comprendre. Ah, bien, c'est plus logique. Tant qu'on ne force pas. Parce que, moi, j'ai l'ajusteur de pensée, puis je mets bien fin. Mais toutefois que quelque chose de dur vient, bien, la chose dure, elle vient pas. Donc, je suis bien fin. À un moment donné, on va l'envoyer, chose dure, l'ajusteur, il n'y a rien qu'à se réveiller, ce type a fait sa job. Présentement, moi, je suis un ajusteur collectif. Et plus ça va, moins ça me plaît. Au lieu d'être ton ajusteur collectif, à un moment donné, il m'a carrément à dire ce que j'ai à dire. Puis toi, ton ajusteur, il fera sa job. C'est plus logique. C'est sûr que ce n'était pas toujours le temps. Premièrement, mon corps ne pouvait pas le supporter. On peut constater qu'il y a encore des choses. Quand il y a des changements radicaux qui se font, eh bien, le corps, il doit le se placer. Mais là, à un moment donné, il faut botter le cul aux ajusteurs de pensée, pas un coup aux humains. C'est ce que je veux dire quand je parle de me respecter, c'est que j'ai un travail à faire sur d'autres plans. Bien, ces plans-là, ils vont me voir venir. Et puis, on va aller botter le cul à d'autres choses qu'à l'humain. L'astral, c'est de la merde, c'est intéressant, on peut la brosser. Mais à un moment donné, de la merde appuie aussi sur d'autres niveaux. Hein? C'est ce que ça veut dire. Alors, si à un moment donné, moi, je me fous carrément que tu meurs, mais ce que j'ai à faire, je vais le faire. Si tu n'as pas à mourir, ils se déniaisent. Puis, normalement, tu n'aurais pas à mourir. Et alors, ils se déniaiseraient. Sauf que c'est un peu comme la mère. Hein? Pourquoi que l'enfant ferait le ménage vu que la mère le fait toujours? À un moment donné, la mère, elle ne le fait plus. Mais le ménage, il ne reste pas fait. Jusqu'à temps que l'enfant se déniaise. Ben, c'est un peu ce qui va arriver. Donc, il n'y a personne qui va en souffrir. Mais je m'en fous qu'il en souffre. Fait que normalement, il n'y arrive à rien. Tu dis que tu veux travailler avec l'élite. Comment peux-tu déterminer l'élite? C'était assez simple de déterminer l'élite. Évidemment, c'est frustrant pour certains égos de devoir se faire dire qu'ils n'en font pas partie. Moi, je ne déterminerai pas d'élite. On est 5 personnes, puis on veut déterminer l'élite à la course à pied. Comment on fait? On fait une course, hein? C'est simple. L'entraîneur, il ne dit pas, toi, tu es à la face pour, toi, je ne t'aime pas à la face. Il dit, bon, OK, on court. Il court, puis ceux qui continuent à courir après une heure, bien, c'est ceux-là. Hein? C'est pas péjoratif. C'est l'élite. On a des questions sur le tendon d'Achille. Comment la partie intelligente peut-elle avoir des tendons d'Achille? Ces tendons n'appartiennent-ils pas à l'ego? Et une troisième. Au moment où tu as parlé des tendons d'Achille, tout le corps m'a vibré. Quel est ce phénomène? Est-ce les entités réincarnatives qui se sont senties menacées? C'est en plein ça. La partie intelligente, elle a des tendons d'Achille. La partie supramentale, elle n'en a pas. Quand je parle de partie intelligente, je parle de toute la constitution chez vous qui a la faculté de devenir intelligente et qui a donc la faculté d'être ascensionnelle. Il y a une partie de l'ego qui est ascensionnelle. Le mental est ascensionnel, mais limité par la mémoire de l'ego. Donc, si le mental manque d'informations, ça crée des tendons d'Achille. Le mental, par exemple, peut travailler avec un outil. Et ça marche. L'outil est un tendon d'Achille. Parce que si on l'autre, ça ne marche plus. Il faut faire attention. On mélange souvent la vision de l'ego à la vision mentale. On pense que les tendons d'Achille astral sont de même nature que les tendons d'Achille mental et vice-versa. Non, c'est le même mot. Un point cible dans le mental ou dans la partie ascendante, un point cible dans la partie stagnante, un point cible dans les parties réincarnationnelles. Je vais donner un exemple. Le mental n'a pas de point cible. Parfait. Vous attrapez le sida. En plus, vous avez un accident. Votre corps est malade. C'est pas un point faible, ça? Le cerveau pogne une maladie, puis il se désagrège. C'est pas un point faible, ça? Ben oui, c'est des points faibles au niveau du mental. C'est pas des points faibles au niveau de l'ego. On mélange trop les choses. Ce sont des mondes différents. On peut faire des parallèles entre les mondes différents, mais on ne peut pas les mélanger. Les trois noms que l'on nous donne à la naissance ont-ils un lien avec les clés des trois noms que nous devons connaître? Trois noms, trois réservoirs. Ça dépend des individus, ça dépend des personnes. Je ne veux pas trop élaborer là-dessus parce que je veux le faire pendant le séminaire. Et je préfère le faire avec les individus pour être sûr qu'on... Ou tu ne trouves pas de nom, ou tu trouves le bon nom. Que d'en parler en conférence. J'ai expliqué des choses pour que vous puissiez préparer et en même temps pour préparer les terrains au niveau astral. Pour certaines personnes, ce sera oui, pour d'autres personnes, ce sera non. Daniel, autre que par un voyage astral, comment retrouver le nom de ton troisième groupe? Par intuition. Et on va travailler pour ça. Ici, j'ai une assez longue là, sur l'incarnation. Une personne qui s'incarne immédiatement au moment de sa mort dans une autre personne, si celle-ci meurt la première, est-elle toujours liée à la deuxième lorsque celle-ci se réincarne à son tour? Les virgules, ils sont où? Il n'y en a pas. Mais en don. Deuxième. Une question à la fois. OK. Une personne qui s'incarne immédiatement au moment de sa mort dans une autre personne, si celle-ci meurt la première, est-elle toujours liée à la deuxième lorsque celle-ci se réincarne à son tour? Si la deuxième... Bon, ce qu'elle veut dire, c'est que la personne meurt, elle s'incarne dedans celle-là. Quand, 10 ans après, celle-ci meurt, les deux sont-elles unies ou s'ils vont se séparer dans le monde de la mort? Elles sont unies. Dépendantes, non. Unies. C'est pas pareil. Il y a une subtilité, cherchez-la, mais c'est bien différent. Quand je m'appuie sur un objet matériel, exemple un mur, qu'advient-il de mon corps éthérique? Interpénètre-t-il l'objet matériel? Comment faire pour que le corps éthérique soit conscient de ce phénomène? Le déplacement de conscience du corps physique au corps éthérique permet-il le passage du corps physique dans une autre dimension? Explique. Normalement, les corps et le corps vital, ce qu'on appelle le corps éthérique souvent dans l'ancienne étymologie, ne traverse pas le mur, il est réfléchi par le mur. L'énergie vitale du mur oppose sa propre consistance à celle du corps. Une personne qui a un corps vital suffisamment contrôlé peut arriver à faire en sorte que son corps vital traverse le mur et normalement sa main peut aussi traverser le mur. Les autres dimensions, à part le transport séraphique qui est attribué à celui qui a une fusion avec son double éthérique, ne peuvent pas être connues par le phénomène du corps vital ou du corps éthérique planétaire. Les autres dimensions, on va les avoir lorsqu'on aura un transport séraphique. Et le transport séraphique, c'est une forme d'intuition. Et on va connaître les autres dimensions réelles de cette consistance créationnelle seulement lorsqu'on aura des plans biologiques pour pouvoir les supporter. Évidemment, on peut parler d'une connaissance d'autres dimensions dans le monde de la mort, dans le monde astral. Cela fait quand même partie de l'expérience du monde astral. On peut parler d'autres dimensions qui sont inconnues du monde astral, à l'extérieur de notre plan planétaire. Et pour cela, l'humain doit faire ce genre de voyage, d'exploration, à travers un corps séraphique. Le corps séraphique, c'est le double de lumière qui provient de la fusion des corps planétaires avec le corps galactique, le corps supramental. Quelle différence y a-t-il entre un catalyseur, un condensateur, un transformeur d'énergie? Clarifie ces termes. Le catalyseur accélère une réaction sans en prendre part. Condensateur, réceptacle qui ramasse de l'énergie, en ramasse, sans prendre de volume, condense. Transformateur d'énergie, ramasse une forme d'énergie et la transforme en une autre forme d'énergie, c'est-à-dire qu'il l'interprète, comme une radio. Il parle de l'énergie hertzienne, il la transforme en énergie orale, vocale. Et maintenant, on n'a qu'à faire les parallèles. Si l'âme se dissout dans le monde de la mort, comment pouvez-vous parler d'entité réincarnative puisqu'il ne s'agit plus d'entité mais d'atmosphère? Je parle d'entité parce que c'est plus facile à supporter pour l'ego qu'atmosphère. Dans le monde de la mort, ce sont effectivement des atmosphères qui se réincarnent. Lorsqu'elles se réincarnent, elles sont, à l'instant où elles sortent du monde de la mort, elles ramassent une partie du périsprit de l'âme pour pouvoir s'en envelopper et voyager dans le plan moronciel jusqu'à l'homme. Donc, l'atmosphère part du plan du monde de la mort, elle devient une personnalité, c'est-à-dire qu'elle est limitée, délimitée dans le monde plan, dans le plan moronciel, et elle pénètre l'âme de l'homme. Ça devient donc une personnalité réincarnative. Mais une personnalité qui ne se souvient pas. Parle d'atmosphère, c'est correct. Personne ne comprend le phénomène. Et on peut parler aussi de personnalité dans le corps de l'homme et pendant le transport dans le plan moronciel. J'ai 26 ans et suis encore en pleine adolescence. Pas grave. Je sens les entités réincarnationnelles venir à moi une après l'autre. Résultat, instabilité, stress, souffrance. J'ai également l'impression d'attirer des entités de plus en plus intelligentes à cause de ma formation professionnelle marginale et de ma forme physique qui est passée de passable à excellente en quelques années. Je souffre énormément de cette instabilité et envoie en même temps l'intelligence. Est-ce que le séminaire sur la colère mentale m'aiderait à terminer cette adolescence? Comme disent certains peuples, peut-être que oui, peut-être que non. Comment savoir si l'homme est prêt à faire la colère mentale numéro 2? Une chose certaine, c'est que si on a fait le séminaire sur la colère mentale numéro 1, on est prêt à faire la colère mentale numéro 2. Et autre chose, c'est que pour faire la colère mentale numéro 2, il faut avoir une parole suffisamment juste, c'est-à-dire qu'il faut au moins avoir compris les pièges de la parole. C'est pourquoi toutes les personnes qui vont faire le séminaire sur la colère mentale 2 auront toutes fait le séminaire à Jupen 1 avant. C'est pourquoi la majorité des séminaires qui vont venir prochainement vont toutes être axés sur Jupen, de façon à ce que tout le monde ait au moins la compréhension des pièges de la parole. Parce qu'il y a énormément de personnes qui font le séminaire sur la colère mentale 1, qui est une prémisse. Mais par la suite, ils ont encore un problème de langage. Alors moi, j'ai décidé de fonctionner d'une façon plus orchestrée, c'est-à-dire que je veux avoir des séminaires où je n'ai pas des personnes qui sont dedans et qui n'ont pas d'affaires là. Ce qui brime énormément les choses. J'expliquais tout à l'heure que maintenant, moi, je veux fonctionner. Alors, les traînards ou les traînards, dans un séminaire qui, normalement, devrait être suffisamment puissant, bien, je n'en veux plus. Ce qui fait que je me réserve donc le droit de décider ce qu'une personne devrait avoir avant le séminaire. Et je crois que c'est logique et convenable. Si c'est moi qui donne le séminaire, je suis donc en droit de décider qui peut faire le séminaire. Je ne décide pas qui est assez évolué ou pas. Je décide ce qu'une personne doit avoir pour le faire. Autrement dit, une personne peut être suffisamment prête à le faire. Il faudra qu'elle me le prouve, vu que c'est mon séminaire. Séminaire sur la colère mentale 1, ça brasse les choses. Les personnes vont tous passer par AJPN 1. Et on fera le séminaire sur la colère mentale 2 en janvier. Le séminaire sur la colère mentale 2 va nécessairement permettre la fusion des personnalités réincarnatives si la personne, elle arrive à comprendre suffisamment le cheminement. Ici, elle a suffisamment de discipline pour décider que c'est ça qu'elle va faire. On ne peut pas avoir de la discipline réelle dans une atmosphère qu'on ne comprend pas. Je reviens donc à la question de tout à l'heure. Est-ce que cela va permettre la fusion, régler le problème, créer la stabilité? Si la personne comprend le processus, elle pourra avoir une discipline dans le processus. Et nécessairement, ça va aboutir. Si elle ne comprend pas le processus et qu'elle veut mettre de la discipline dedans, ça peut aboutir, mais ça peut ne pas aboutir. Tout dépend encore une fois de de l'intensité intentionnelle de l'individu. Les personnes qui veulent toujours passer de la première étape, sauter la première, la deuxième, la troisième pour aller à la quatrième. Et c'est dangereux. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'une personne est rendue à un certain niveau où il lui manque des éléments pour poursuivre. Ces éléments-là, il faut qu'elle retourne en arrière pour aller les chercher. Ça devient absurde. En rapport avec ça, il y a un descriptif. Là. L'état de colère mentale est l'état où l'homme peut rejoindre l'énergie supramentale et vice-versa. L'énergie que l'homme rayonne est plus dense, vibratoire. L'ego n'a plus de place, donc l'homme ne se fait plus manipuler par son troisième réservoir. Le métabolisme du corps physique utilise plus d'énergie vitale, mais son corps bat moins vite, ses muscles sont détendus. C'était pas une question. Ouais. C'est ajusté. Est-ce que le C'est presque ça. Mais avec le phénomène de l'énergie supramentale qui rejoint l'ego, ou l'astral, presque ça. C'est bon. Je perçois des choses que je considère ou que je crains être dangereuses à dire. Est-ce une manipulation de l'astral ou de l'intelligence ou encore un complexe de supériorité ou les trois? Comme je n'ai pas beaucoup de contrôle sur ma circulation énergétique à travers mon expression, j'ai peur de faire des gaffes. Je sais entre autres que j'ai peur de savoir ou d'apprendre qui je suis, mais aussi j'ai peur de faire du tort. Aussi, je ne suis pas intéressé à ce qu'une foule de gens sache qui je suis en même temps que moi. Je choisis qui doit être à ma naissance s'il y a quelqu'un. Je choisis qui doit être à ma naissance s'il y a quelqu'un. Il y a une grosse partie du papier ici qui fait référence à la fausse humilité. La plus grande initiation de l'homme nouveau, c'est lorsqu'il va être capable d'accepter qu'il est un homme nouveau. Ça paraît simple. Il y a celui qui joue à l'homme nouveau, il y a celui qui est écœuré de jouer à l'homme nouveau, puis il y a celui qui comprend qu'il est un homme nouveau. Alors, il y a une grande, grande partie de la question ici qui fait référence à la fausse humilité. Je veux, je ne veux pas, je ne sais pas, je pense, je sais ci, je sais là. Quand je sais que c'est un complexe de supériorité, pour éviter ça, je ne veux pas, etc., etc., etc. La fausse humilité, c'est extraordinaire. La fausse humilité, elle est définie dans les phrases suivantes. Pendant longtemps, l'homme joue à être. Puis lorsqu'il est, il pense encore qu'il joue. Travailler les choses. Ça dit tout, tout est contenu là-dedans. Étant donné qu'il est et qu'il pense qu'il joue, il recherche encore à être. À travers chaque strate de l'évolution, on recherche une étape supérieure. Le mot du problème, c'est pas de l'obtenir, l'étape. C'est d'accepter qu'on l'a obtenu. Des personnes encore qui viennent me voir et qui disent, c'est drôle, ça fait 2 ans, mais j'ai pas changé. Si, ouais. T'as pas changé. Non. Le 2 ans, tu venais-tu me parler? Ah non, non, j'avais tellement peur, T'as pas changé. Le 2 ans, faisais-tu ceci, faisais-tu cela? Puis là, si je le décortique au complet, elle découvre qu'elle a bien changé. Il faut que quelqu'un y dise. Alors là-dedans, il y a énormément de fausse humilité aussi. Je le répète, la plus grande initiation, c'est lorsque l'humain va accepter de se supporter. Et en même temps, l'humain qui évolue bien aura toujours la peur de se faire fourrer. Je pense que je suis ceci, mais tout d'un coup, au cas où que je ne sois pas ceci. C'est le grand dilemme qui parfait l'humain. À travers ces 2 doutes, va naître l'homme. Continuer à douter, continuer à ne pas savoir, c'est nous amener vers le savoir. C'est long, c'est étirant. C'est perfecteur. Il y a un rôle, moi, que je fuis depuis longtemps. À un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive avec un gros livre et qui me dit, « Daniel, il me semble que toi, c'est en plein socté. » Quand ça fait 2-3 ans qu'on le refuse, puis qu'on n'a pas de mots à mettre dessus, mais qu'on a la consistance, puis qu'on le refuse, puis qu'on arrive avec un livre, puis qu'on met un doigt, puis c'est écrit dessus, « Perfecteur de conscience. » Et qu'à travers tout ce qu'on veut faire, il y a bien une chose qu'on ne veut pas faire, c'est ça? Mais la fausse humilité rentre en ligne de jeu. Peut-être que c'est ça, mais peut-être que je me fais charrier aussi. Fait qu'autant attendre. Et à la longue, à force d'attendre, il y a un paquet de contextes extérieurs intéressants qui apparaissent. Et jusqu'à temps que l'humain s'initie lui-même. Vous savez, de temps en temps, il y a des personnes qui sont frustrées parce que je ne leur réponds pas. Enfin, je leur réponds. Mais de façon à ce qu'eux autres trouvent eux-mêmes. C'est frustrant. Il y en a qui ont des petits papiers ici, là, intéressants, là. Et ils ont des questions à poser, puis à un moment donné, moi, je suis curé de ça, volonté, c'est cela. Mais il y a un avantage que vous avez sur moi. C'est que moi, je n'ai personne à qui amener mes papiers. Personne. Et c'est drôlement plus souffrant pour la partie de l'être humain qui peut m'habiter, qui de temps en temps va avoir une réponse, que la partie haute chez moi ne peut pas lui donner parce qu'elle ne peut pas la comprendre. Elle aimerait bien pouvoir écrire un papier ou aller rencontrer quelqu'un pour parler. Il n'y en a pas. Parce que lorsque la partie faible se déplace, elle amène le corps physique. Amener le corps physique, elle amène les parties fortes. Et les parties fortes servent de répulsion. Chacun son étape. Tant que l'humain peut prier, c'est beau. Quand l'humain ne peut plus prier, c'est tough. Quand l'humain peut écrire ses papiers, c'est pas pire. De temps en temps, il est frustré parce qu'on ne lui répond pas tout, mais au moins, il peut écrire ses papiers. Quand en avant de vous, il n'y a plus rien, il y a en arrière, rien en avant. Disons qu'il y a quelque chose en avant que vous ne pouvez ni connaître, ni percevoir, ni contacter. C'est la même chose, il n'y a plus rien en avant. Il faut être solide en vache pour continuer à vivre. Il faut au moins être capable d'accepter un peu ce que nous sommes, de se supporter un peu. L'humain est au début de sa souffrance libératrice. Ce n'est pas une grosse souffrance, mais c'est quelque chose d'intéressant que certains ici décrivent dans leurs questions ou dans leurs plaintes. On continue à pouvoir poser ces questions, c'est déjà un avantage extraordinaire. Il y en a plusieurs qui sont écœurés des maîtres de poser des questions, c'est parfait. Moi, je ne peux pas lire. Tout ce qui normalement sert à l'humain devient interdit à celui qui a un contact. Tout ça pour qu'il apprenne à obliger le contact. Et là-dessus, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas demander. Tu fais quoi? Attendre, ce n'est pas la solution. Courir, il n'y a aucun moyen de courir. Et ça oblige le cerveau à entrer dans une phase de stress absolument écœurant. Et cette phase de stress, c'est justement la mutation qui fait que tu te connectes. Alors, tant que tu es dans la phase de stress, tu ne vois rien. Mais tu te connectes. Tu sais, tu as l'impression que tu approches, il ne passe rien. Ce que tu recherches, tu vas l'avoir, mais tu ne l'auras jamais parce que...